Bonsoir Geneviève Fontaine et merci encore d'avoir accepté de participer à cette interview pour Accio Research qui constitue autant un préalable qu'un complément au webinaire OpenESR qui va se dérouler tout à l'heure et qui est organisé en partenariat par le cabinet InnoCube et donc l'association Accio Research. Donc pour rappel, vous êtes agrégée d'économie et directrice de recherche au sein de la SCIC Tétris pour transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. Vous êtes également chercheuse, titulaire d'une thèse portant sur les communs de capacité, dont le titre exact est une analyse des pôles territoriaux de coopération économique à partir du croisement des approches d'Ostrom et de Sen. Et donc nous allons discuter ensemble des imbrications existantes entre le monde des communs et celui de la recherche, et plus particulièrement de la recherche-action. Alors, pour commencer, on observe depuis une dizaine d'années que les thématiques des communs et de la science ouverte ont, chacune de leur côté, fait l'objet d'une diffusion au sein des milieux académiques, ainsi que d'une circulation croissante dans la sphère publique. Cela conduit aujourd'hui à se poser la question de l'impact de la diffusion de ces concepts pour la recherche-action, qui est bien souvent à l'intersection entre le monde de la recherche classique et les différentes sphères de la société. Ainsi, selon vous, quelles évolutions dans les pratiques de recherche-action ont été induites par, en quelque sorte, une démocratisation des notions de commun et de sciences ouvertes? Donc dans mon expérience de recherche-action, c'est que des recherches-actions qui sont avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et essentiellement avec une approche par les communs, ou en tout cas un questionnement sur les communs. Donc j'ai pas non plus un recul spécifique de recherche-action que j'aurais mené avant qu'il y ait démocratisation de la notion de commun et de la notion de science ouverte. Je suis moins à l'aise avec la notion de science ouverte. Je dirais, je sais ce qu'elle recouvre, mais c'est pas tellement ce que moi je vais avoir l'occasion de travailler. Je crois que y a la notion de commun, elle pose la question de la constitution des connaissances qui sont nécessaires au fonctionnement du commun et de comment ces connaissances sont co-construites par le collectif qui essaye de faire un commun. Et donc la notion de commun, elle a apporté dans les pratiques de recherche-action, pour moi, une réflexion en amont sur les processus de quelles connaissances a-t-on besoin pour faire fonctionner l'action, et surtout sur des questions sur comment va-t-on construire ces connaissances et comment va-t-on définir les usages et les droits d'usage et de propriété sur ces connaissances? Je crois que ce qui a vraiment été apporté, enfin ce que je vois moi qui a été apporté, c'est vraiment ce questionnement en amont par la démocratisation du terme de la notion de commun sur, d'accord, on va chercher ensemble. Ok, mais quelles sont les règles de co-usage? Est-ce qu'il y a des connaissances qu'on va élaborer ensemble qui vont être des connaissances individualisables et donc qui vont pouvoir être utilisées différemment? Est-ce que toutes les connaissances qu'on produit vont être considérées comme communes? Est-ce qu'il y a des connaissances qu'on va produire ensemble qui vont contribuer à une sorte de commun de la connaissance base à une action commune, ou est-ce que on va construire un ensemble de connaissances dont certaines seulement seront utilisées pour l'action commune. Après ça, donc au-delà de simplement l'accès à la science, enfin l'accès aux connaissances produites va être éventuellement en open source, etc. Il y a toutes les questions qui se posent sur l'usage de ces connaissances pour faire autre chose derrière dans l'action. Et je pense que ça, sur les communs, ça a apporté à la recherche-action le fait qu'au lieu d'attendre que ça fasse problème pour se poser les choses, la question, on a introduit peut-être un peu plus ces réflexions en amont et dans une co-définition entre acteurs, praticiens plutôt et chercheurs plus académiques, finalement, qu'est-ce qu'on allait faire des connaissances qui vont sortir et comment on allait les quelles sont les règles d'usage qu'on allait avoir. Voilà, donc moi, c'est essentiellement ça. Peut-être il y a, ça induit derrière plus de codéfinition des usages de la recherche-action, c'est-à-dire vraiment de qu'est-ce qu'on va faire de des produits de cette recherche-action en termes de connaissances, mais en termes aussi d'applications concrètes. Moi, c'est un peu voilà, le changement que j'ai vu, mais encore une fois, avec très peu de recul, puisque j'ai quasiment pas fait de recherche-action qui soit en dehors de la notion de commun et de science ouverte. Donc, je peux pas dire ce que ça a changé, quoi, du coup. Merci beaucoup pour cette première réponse. La seconde question, quelque part en miroir de la première, part du constat que la science ouverte reste aujourd'hui souvent restreinte à une problématique de gestion et de partage de savoir au sein des milieux académiques, en oubliant parfois une dimension plus large d'inclusion des non-chercheurs dans les projets de recherche. Aussi, comment pensez-vous que la recherche-action puisse participer à l'intégration des concepts clés liés au commun dans une définition élargie de la science ouverte et de la production et diffusion de savoir? Ouais, alors là, je suis un peu plus à l'aise parce qu'on part des communs en fait, et on voit ce que ça peut donner sur la recherche-action. Et dans cette logique d'une définition élargie de la science ouverte, moi, dans l'approche, enfin dans tout ce qu'on fait à la COP des communs et dans la manière dont ça m'a amené à réfléchir autour des communs. Moi, pour moi, aujourd'hui, il y a pas, on ne peut pas avoir de système de connaissances ou de stock de connaissances ou de coproduction de connaissances sans se poser la question en même temps. C'est ça qu'apportent les communs. Un commun, c'est toujours pour moi un système de ressources imbriquées. Et il n'y a pas que des connaissances immatérielles, il n'y a pas que des ressources immatérielles, style connaissances dans un commun. Il y a toujours une partie matérielle, où sont ces connaissances, comment elles sont stockées, échangées, par quels moyens matériels, voilà, de la bibliothèque, de l'artefact du livre à celui de la bibliothèque en passant par le fichier numérique ou la base de données, ce ne sont pas que des choses immatérielles. Et dans un système, dans un commun, il y a toujours des ressources matérielles, des ressources immatérielles, dont des connaissances. Un commun ne fonctionne pas sans un système de connaissances. Il y a aussi tout un ensemble de ressources qui sont intangibles. Et je pense que ça apporte, du coup, aux recherches-actions, le fait qu'on ne va pas juste penser la production des savoirs. Parce que ça, c'est la production de la partie immatérielle, voilà, du système de ressources. Et du coup, on va se poser la question, bah oui, mais ces savoirs qu'on produit ensemble, finalement, on les loge où? On les loge dans un rapport de recherche qui est accessible qu'aux chercheurs, ou est-ce que et sur une plateforme propriétaire où on le loge sous forme de je sais pas, moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur un site compagnon d'un livre pour rendre un colloque peut-être plus diffusable ou plus appropriable ou plus retraçable par différents types d'acteurs. Donc, ça amène ça, c'est-à-dire que où sont stockées ces connaissances, comment on les rend accessibles, et la partie, et une attention qui est portée peut-être à la partie intangible de la recherche-action, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé de l'ordre de l'informel, de l'ordre du relationnel, de l'ordre de l'émotionnel entre les personnes qui ont participé à cette recherche-action, qui est source de production de connaissances, mais qui de toute façon ne sera pas au final stockée dans les savoirs qu'on va donner dans les livrables ou qui vont retourner vers un outil, vers l'action. Et pourtant qu'on fait partie de ça. Et je crois que dans cette logique de définition élargie de la science ouverte, il y a vraiment qu'apportent les communs. En tout cas, c'est vraiment l'attention portée au processus, au chemin que l'on parcourt ensemble, et pas tant, enfin, bien sûr, les résultats de recherche, les connaissances obtenues ou les savoirs qui vont pouvoir être diffusés ou reconnus au travers de cette recherche-action. Mais le chemin qu'on a parcouru ensemble pour le faire, les communs montrent que c'est aussi important, le résultat donc de ce chemin. Ce chemin est un résultat aussi important que la connaissance qu'on va qu'on va ancrer à la fin dans un livrable ou dans une vidéo ou dans n'importe quoi ou dans un outil ou dans quelque chose qui va servir directement l'action. Et je pense que c'est ça et que ça apporte finalement une définition élargie au sens où la science ouverte, ce n'est pas qu'un ensemble de connaissances qui doivent être produites et diffusées. Produite où j'aurais tendance à dire les communs apportent aussi l'idée que c'est pas la diffusion, mais c'est l'usage et le co-usage des connaissances qui va être interrogé. Donc une vision plus les élargie de la science ouverte qui englobe qui donne une valeur, en tout cas qui reconnaît une valeur au processus de la recherche-action et pas seulement à ses résultats. Merci beaucoup, Geneviève Fontaine, encore une fois, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés d'en apprendre plus sur les liens existants et les initiatives actuelles pour lier recherche, action et commun, je vous invite à écouter l'enregistrement du webinaire qui a suivi cette interview et qui donc fait intervenir Geneviève Fontaine, mais également Nicolas Lix et Guillaume Compin de la Coop des communs, et que vous pouvez retrouver sur le site d'InnoCube, inno3.fr. Merci.